elles sont conseille la version, conseil d'amis à la tienne. On terrorise les stations FM, tout saigne d'eux. Loin des graines de stars à la mort moelle. Faut qu'ils sachent qu'on n'est pas comme eux. Playa, on fout la haïa dans les boîtes de France. Là c'est reparti, haïa dans le bec, on joue la transparence. Trop de palnaves dans le milieu. Vive à la scène, c'est Mériac. Les bâtiboy sachent qu'on est dans. On se paye du bon temps, même si le HIP nous boycotte. Plein des sages étaient pour animer les agités du Stade de France. On avance, scalpel bloqué dans les halls, star blocs, on brise le silence. Clinique 2000, boycott l'exomile, fini la siesta, et c'est maintenant faut qu'on remplit l'essai de diviser notre équipe, passer le cap. Les frites sur tout saigne d'eux. Un truc à faire triquer les rabattes, fonce des joints de taille loin de la caille écoulée. Casse pas les couilles ombrées, 2000 c'est notre année. Devine, un rap blindé comme une seringue de morphine. Il commence par un C, finit par faire kiffer les frangines. Clinique 2000, c'est notre année, cesse de planer. Dans les blocs nos gueules sont scannées. Clinique 2000, c'est notre année, on est paré. Troisième millénaire, la salle va saigner. Clinique 2000, c'est notre année, cesse de planer. Dans les blocs nos gueules sont scannées. Clinique 2000, c'est notre année, on est paré. Troisième millénaire, la salle va saigner. On lâche le cri d'hier, Clinique 2000. J'ai les franges, un kiff, l'info, l'album c'est l'engin. Prix stéréo, 2000, maintenant ou jamais. À nous de prier, jeune frangin. Reste connecté sur sa vacille, on reste virulent. Violent dans l'écriture, acerbe, percutant. Prochain lyrique, ça tournait dans ta voiture, essaie. Même salaud qu'en 9-6, ça prend au rap pour 6 LC. Te fatigue pas à venir tenter la perquise. Suant toute l'année, fumant, clope et spliff puant. On espère bien mener notre bise comme on l'entend, comme d'hab quoi. Et les gars, on dit quoi? Le but c'est pas passer notre vie à booster dans la brousse et rousse péter. Ça force le respect. Les MC restent pour toi, c'est pour tout le monde et pour toi. Qui crache de haine devant ma croix, volume 2. Vise l'emblème, tous en croix bleue. Volume 2, vise l'emblème, tous en croix bleue. Clinique 2000, c'est notre année, cesse de planer. Dans les blocs, nos gueules sont scannées. Clinique 2000, c'est notre année, on est paré. Troisième millénaire, là ça va saigner. Clinique 2000, c'est notre année, cesse de planer. Dans les blocs, nos gueules sont scannées. Clinique 2000, c'est notre année, on est paré. Troisième millénaire, là ça va saigner. On reste vif. Soulboy, chiré au sky et au spliff. En stand-by, on fout les enfoirés, on shoot le shérif. Nos guy, ma guy kiff. PLOC style kiff, la mélodie rude boy. La rime est incisive, incisive. Y'a briefing, frangine, opération blue jean fizz. Les rimes fusent, même en temps de crise. On mise le pactole, sur de nous à peine. Nous des idoles, la peine capitale sera pour toi d'écouter l'album. Sun, c'est sex, high comme Buju, Banton, Block. Opérationnel au MIC, on décolle dans l'équinox. On scalpe l'inox, rase ta tête si t'as des locks. Mon rap à casse-tête, ma clinique c'est pas clair. On pète les NS 10 rappeurs Philippe, moi c'est Golder. Pas de chiclala comme le dit Chico de Garche. Élevé au pur son Chico de Barge. Pur sang dans l'âme, clinique 2000 strictement barge. On se méfie des gens, demande à Wet c'est Dumbia. Les prises de conscience font moins rares que les rapias. Les paris à parisien se tirent dessus, on prend les paris de la rue. Trop nombreux sont les trous du cul ici, on se rue sur la première rumeur. Une balle tirée dans le cœur de ton frangin et c'est la rue qui meurt de mille. La putain d'année de tous les dangers, là où ça va saigner dans chaque foyer français, on sait. Corrosif, kilowatt, on squat les décibels. Nala, kiliwatch, kukai, string, ficelle. En loi, musicos, 100% natural. Aficionados 2000, là ça va faire mal. Clinique 2000, c'est notre année, cesse de planer. Dans les blocs, nos gueules sont scannées. Clinique 2000, c'est notre année, on est paré. Troisième millénaire, là ça va saigner. Clinique 2000, c'est notre année, cesse de planer. Dans les blocs, nos gueules sont scannées. Clinique 2000, c'est notre année, on est paré. Troisième millénaire, là ça va saigner. Clinique 2000, c'est notre année, cesse de planer. Dans les blocs, nos gueules sont scannées. Clinique 2000, c'est notre année, on est paré. Troisième millénaire, là ça va saigner. Clinique 2000, c'est notre année, cesse de planer. Dans les blocs, nos gueules sont scannées. Clinique 2000, c'est notre année, on est paré. Troisième millénaire, là ça va saigner. Clinique style, BLOC style, Clinique style, BLOC style, BLOC style, Clinique style, BLOC, mon BLOC, BLOC style, mon BLOC, 9 wets, 2 triple 0, 1 fly, triple 0, Clinique, 2 triple 0, 2 triple 0, Et chaud mec, viens prendre ta tannée. Blockspawn mec, 2000 notre année. Mon rap, c'est de l'instantané. Et chaud mec, viens prendre ta tannée. Blockspawn mec, 2000 notre année. Mon rap, c'est de l'instantané. Et chaud mec, viens prendre ta tannée. Blockspawn mec, 2000 notre année. Mon rap, c'est de l'instantané. Et chaud mec, viens prendre ta tannée. Ouais, clinique 2. triple 0 1 Hi Clinique, ouais. Clinique style, BLOC style, Clinique style, BLOC style.